Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Kiwan est avec vous en compagnie de Mathieu Plante. Salut Mathieu. Bonjour Kiwan. Ça va bien? Aujourd'hui à l'émission, on va recevoir Émilie Gauthier avec sa chronique plein air « Veux-tu sortir avec moi? » Elle va nous parler de tente aujourd'hui. Oui, d'habitude, on fait toujours des jeux de mots douteux quand on parle de tente ici dans la chronique plein air. Là, je pense que même Émilie a prévu faire des jeux de mots douteux avec les tentes dans sa chronique. Donc, tu penses qu'elle les a écrits d'avance? Ben, je sais pas, j'ai comme un feeling. Ah ouais? T'as pas lu son courriel? Non. Tu vas savoir. D'accord. Aussi, à l'émission aujourd'hui, on va parler des nouveaux TCD, comme à tous les mardis. Bon. Et on va commencer ça en musique tout de suite. Mm-hmm. Penses-tu? Ben, je sais pas. Avec quoi? Qu'on peut faire ça? Ben, si tu veux. Tu me donnes un CD? C'est ça que tu veux faire? Je pourrais faire ça éventuellement. Ça va préparer tout ça? J'aime ça. Ah, mon préféré en plus, tu me donnes mon Bernard à la musique. Oui, c'est ça. Quand j'ai le goût de te faire commencer une émission avec un bon sourire. Même pas une pièce qui va me remettre de bonne humeur, surtout toi. Kiwan, un jour je t'aurai. Cauchemar de course de Bernard Adamus. Hey, bonne émission au requin. Hey, toi aussi, il y a eu les Francis Martin. Et au Francis Martin aussi. Les deux. J'ouvre les yeux, pis j'vois Saint-Pierre, tu pointes toi et deux biens, sont dans la glacière. Pis il me dit, hey là, viens t'en mon petit gars, ça se passe par là. Y'a trop de lumière, j'vois rien ici, mais j'attends Jésus qui m'invite. Assis à une table avec Ben Laden, pis le PD, j'ai dit c'est nan. J'me dis, hey là, ils vont tu me dire tout haut ce qui passe tout bas. Fait que je m'assois parce que j'ai une faim de loup. La waitress, ça me fait du doux. Mais je check comme faux pis je comprends pas. Elle a la face à Mandela. Pis je me dis, hey là, tu passes quelque chose ici, on me le dit pas. Ben Laden mange des frites, il est en chasse à Swift à l'eau bénite. Pendant que dit Jésus, toi y'a les veines. Mandela suçait sa graine. Pis je me dis, hey là, tu passes quelque chose ici, moi je m'en vais de là. Ça prend le blabla, faire un monde. Je me dis, hey là, ils vont poigner des guns, shooter dans le tas. J'aboutis, je toquais des brumes, moule bleu, ah, il me sert pas de la table. En haut du bar, je vois une pancarte, vide la place avant que tu partes. Bernard Adamus avec la pièce Cauchemar de course, un extrait du palmarès francophone de C'est fou. Et aussi, Bernard Adamus était en ronde demi-finale hier des Francouvertes à Montréal et c'est lui qui s'est classé le premier, donc sur trois pour l'instant. Classement provisoire des demi-finales. Il reste encore deux rondes demi-finales à faire, c'est ce soir et demain. Mais déjà, Bernard Adamus semble bien installé en première position selon quelques articles que j'ai lus aujourd'hui. Les résumés de la soirée d'hier, apparemment, ce sera dur pour les autres groupes de rejoindre et dépasser Bernard Adamus, mais on est encore seulement en demi-finale. Donc, c'est les trois meilleurs sur les neuf qui passent en finale. Donc, tout est encore possible pour chacun des participants. Donc, ce soir et demain, les deux autres rondes de demi-finale des Francouvertes. On continue tout de suite en musique avec le groupe Lila Dissa. Avec la pièce Tennessee, Lila Dissa qui vont faire partie d'un spectacle vraiment très intéressant qui a lieu samedi prochain, le 17 avril. C'est au National à Montréal. Un spectacle qui va regrouper le Roi Poisson, qui risque de nous présenter des nouvelles pièces parce qu'il y a un album qui s'en vient pour Le Roi Poisson. Pas encore de date définie, mais c'est pour 2010. Donc, éventuellement, il y aura un nouvel album du Roi Poisson. Je suis pas mal sûr qu'il va y avoir du nouveau matériel samedi au National. Donc, Roi Poisson, Lila Dissa, Hôtel Morphée et Polype. Quatre des groupes francophones, des groupes québécois francophones qui se sont pas mal démarqués dans la dernière année. Donc, ça risque d'être un très bon spectacle, ça, samedi le 17 avril au National. Nous, on écoute la pièce Tennessee de Lila Dissa tout de suite à Assemblage Requis. Je m'en retrouve pogné comme un con à me poser toujours les mêmes maudites questions. Qu'est-ce que je peux faire pour changer d'âme? Je pars en voyage pour m'évader. Je m'en vais dans le sud pour me réchauffer. Aussitôt parvenu, je me sens toujours comme un con. Change-moi en moine, change-moi en image. Polype avec la pièce Presse Citron qu'on vient d'entendre juste avant ça. C'était Le Roi Poisson avec la pièce Le Con. Donc, comme je le disais tantôt, les trois groupes sont en spectacle samedi prochain avec aussi l'Hôtel Morphée. Donc, quatre groupes pour le prix d'un. C'est pas très cher, c'est 15$ si je me souviens bien pour ces quatre groupes-là au National à Montréal le 17 avril prochain. On va continuer en musique tout de suite, je crois, avec la pièce avec une pièce de Orange Orange qui pourrait être, par exemple, Et je pleure. Et ce serait tout à fait d'à propos aujourd'hui. Donc restez là, vous êtes toujours à l'émission Assemblage requis sur les ondes de CFO 89.1 FM. Dans quelques minutes, on va faire le tour des nouveautés CD de la semaine. Pour l'instant, on écoute Et je pleure de Orange Orange. Tenez bon, les requins. Contre le nez, puis je pense aux enfants du tiers-monde qui vont naître contre leur gré. J'imagine une fleur sur la tombe d'un soldat qu'on a égaré sous les cadavres et les décombres de tout mon cœur. Et je pleure toute la journée, et je pleure pour me soulager. Et je pleure pour l'humanité. Et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et je pleure. Et je pleure. I'm in need of some deep attention. I want to walk in a brand new dimension. Calcule mes livres en trop. Je danse tous les vendredis soirs. Je fais l'amour en stéréo. Je m'achète une télévision. Je me couche pour un téléthon. Je compose de tristes chansons de tout mon cœur. Et je pleure toute la journée. Et je pleure pour me soulager. I'm in need of some deep attention. I want to walk in a brand new dimension. Keep my eyes from breaking apart. Tell me, when will our story C'était Galactic avec la pièce Bow Money et juste avant c'était le groupe Madcaps avec la pièce Stone. C'était deux extraits du palmarès anglophone de C'est fou. On fait une petite pause tout de suite, mais on est retour tout de suite après l'émission Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 17h. Oui, vous écoutez toujours l'émission Assemblage requis sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM, Kiwan qui est avec vous, sans Mathieu Plante, vous l'aurez peut-être remarqué depuis quelques minutes déjà, vous étiez sûrement en manque de la voix de Mathieu Plante. Vous devrez revenir faire un tour d'ici la fin de l'émission. Mathieu a dû s'absenter momentanément, mais je suis persuadé que vous allez le réentendre aujourd'hui, soyez sans crainte, sinon demain assurément. Donc, on continue quand même l'émission. Je vais continuer seul. Il va quand même avoir Émilie qui va se joindre à moi vers la fin de l'émission, comme d'habitude, tous les mardis, pour sa chronique plein air « Veux-tu sortir avec moi? » Et aussi, dans quelques minutes, je vous fais le tour des nouveautés CD de la semaine. Pour l'instant, on va l'écouter une pièce de Hot Panda, la pièce « Cold Hands, Chapped Lips ». C'est un extrait de leur dernier album « Volcano, Bloody Volcano ». Et le groupe, aujourd'hui, vient de dévoiler que leur nouvel album, sur lequel ils travaillaient depuis vraiment longtemps, ça fait plus qu'un an, en fait, que le groupe a dit qu'ils s'en allaient en studio pour préparer la suite de Volcano, Bloody Volcano. Et je viens de voir un court texte sur leur MySpace qui dit que l'album est prêt à sortir. Il n'y a pas de date d'annoncer encore, mais l'album est prêt, donc ça devrait s'en venir sous peu. Nous, on écoute tout de suite donc la pièce Cold Hands, Chapped Lips. Vous êtes toujours à l'émission Assemblage requis. Shaking hands. Yeah, yeah, yeah, yeah. No, no, no, no. Yeah, yeah, yeah, yeah. No, no, no, no. Now she's dressing down. Yeah. Hot Panda avec la pièce Cold Hands, Chapped Lips à l'émission Assemblage Requis. Et c'est maintenant le moment où je vous parle des nouveautés solides de la semaine. Donc, il y a quand même pas mal de trucs intéressants aujourd'hui, dont, entre autres, probablement la sortie la plus attendue, le nouvel album de MGMT, qui était quand même en écoute depuis plusieurs semaines sur les internets. D'ailleurs, Maxime Lemuller-Amé, dans sa chronique Télécharge quoi, il y a de ça déjà quelques semaines, nous avait fait entendre une pièce qui était Flash Delirium. Donc, c'était un extrait de nouvel album Congratulations. Je vais revenir un peu plus tard, par contre, avec le nouvel album de MGMT. Pour commencer, je vais vous parler du groupe Library Voices, qui n'est pas un groupe qui a beaucoup de... qui a connu beaucoup de succès encore à date. Ils ont déjà un album qui est sorti. Et en fait, ici à C'est Fou, si vous êtes des auditeurs réguliers des palmarès de C'est Fou et de C'est Fou en général, vous connaissez peut-être un peu quand même Library Voices parce qu'il y avait eu la pièce Step Off the Map and Float qui était extrait de leur premier album qui s'appelait comme ça aussi. Je crois que c'était la pièce titre de l'album. Je vous en fais écouter un petit extrait tout de suite si ça vous dit rien, Library Voices. C'est sûr que vous allez reconnaître cette pièce-là. On écoute un petit extrait. Pièce Step Off the Map and Float. Ça, c'était donc un extrait de leur premier album. C'est la pièce que je jouais beaucoup sur C'est Fou ici, qui était quand même assez accrocheuse avec quand même une petite mélodie, comme vous l'entendez, avec plusieurs sons dans les arrangements, des petits sons de musac un peu drôles. Et c'était quand même très accrocheur, je trouve. On entend présentement aussi même les harmonies vocales, l'espèce de chœur. C'est vraiment très accrocheur comme son. Donc ça, c'était Library Voices avant, et j'ai pas entendu l'album au complet. Alors, le nouvel album s'appelle Denim on Denim, le nouvel album de Library Voices qui sort aujourd'hui. Il y a une pièce seulement qui est disponible, et j'ai entendu le reste de l'album vraiment rapidement, là, des petits extraits comme ça de quelques secondes. Donc, j'ai pas une idée encore très, très définie de l'album, mais en tout cas, la pièce qu'on peut écouter au complet, qui est sur MySpace, d'ailleurs, vous allez à myspace.com/ de Library Voices, vous pouvez entendre la pièce Drinking Games, qui est le premier extrait officiel de l'album Denim on Denim. Et vraiment, comparé en tout cas à Step Off the Map and Float, c'est très différent, c'est beaucoup moins mélodique, je trouve, beaucoup moins d'arrangements, c'est moins catchy, mais en même temps, c'est seulement un extrait que j'ai entendu, et je sais aussi, pour avoir entendu le reste du premier album, que les pièces n'étaient pas toutes aussi mélodiques que Step Off the Map and Float. Donc j'imagine que probablement sur le nouvel album Denim on Denim, on pourra aussi avoir des pièces un peu plus mélodiques, mais pour l'instant, je trouve que c'est un petit peu décevant, là, ce qu'on peut déjà entendre du nouvel album, la pièce Drinking Games. On va l'entendre au complet dans quelques secondes, mais c'est ça, je pense que le reste de l'album a quand même un bon potentiel, et c'est pas non plus mauvais, même si c'est différent du premier album. Je peux pas dire que c'est mauvais, parce qu'en fait, moi, ça me fait quand même pas mal penser à The New Pornographers. Donc c'est ça, The New Pornographers, qui est pas hyper reconnu pour les mélodies hyper accrocheuses, hyper développées. C'est souvent plus l'ensemble, les harmonies vocales plus qui se démarquent. Donc c'est le cas pour cette pièce Drinking Games de Library Voices. On l'écoute tout de suite à Assemblage Requis. There she goes again, mixing melody with the memory. She's got a song for everything, everywhere she's been, everyone she's pleased. There she goes again, mixing melody with the memory. She's got a song for everything, everywhere she's been, everyone she's pleased. She's not one for love, but she sure loves to chase. But don't act so amazed when she drifts and she sways. When she sails away, when she wanders off, oh, and some wanderlust. aftertaste. She's spinning Gilbert O'Guess. Well, she digs through the crate. Another Sunday morning. Saturday night's dress. Saturday night's dress. Saturday night. There she goes again. It's a melody with the memory. She's got a song for everything. Everywhere she's been, everyone she's been. There she goes again. It's a melody with the memory. She's got a song for everything. Everywhere she's been, everyone she's been. She's not one for lies, but she'll sure stretch the truth. It's the way that she smiles and winks till you're red in the cheeks, yeah. Until you're saying that you love bands that you can't stand. It's the way that she drinks like she's cursed. She's dancing to the Cure. In your hand, and you sweat it over the shoulders, over the shoulders, over the shoulders, over the shoulders, over the shoulders, over the shoulders. There she goes again, it's a melody with the memory. She's got a song for everything, everywhere she's been, everyone she's been. There she goes. Voilà, c'était la pièce Drinking Games, extrait de l'album Denim on Denim de Library Voices. Donc, comme vous avez remarqué, c'est beaucoup moins sexy, beaucoup moins accrocheur que l'extrait du premier album, Step Off the Map and Float. Mais quand même, comme je le disais, c'est seulement une pièce. Et aussi, je peux pas dire que c'est mauvais. Moi, ça me fait beaucoup, beaucoup penser à The New Pornographers. Et j'aime beaucoup The New Pornographers, donc je peux vraiment pas dire que c'est mauvais. Mais j'ai hâte quand même d'entendre le reste de l'album de Library Voices. Et parlant de The New Pornographers, comme ça, en passant, leur nouvel album Together Now sort au mois de mai, donc c'est très bientôt pour du nouveau matériel de New Pornographers. Maintenant, on retourne à MGMT, dont j'ai parlé un peu tantôt. Moi, MGMT est un peu contre le monde entier, ou presque. C'est un groupe que j'aimais pas tellement. Sans dire que je le déteste, je trouve que c'était correct ce qu'il faisait, sauf que c'est un groupe que j'ai connu tard aussi. C'est un groupe que je connaissais pas avant la méga explosion créée par Time to Pretend. C'est quoi, ça date d'environ 2 ans, ça. C'est cet extrait-là, Time to Pretend, qui les a vraiment fait connaître partout à travers le monde, dont par moi. Et je sais pas, je trouvais peut-être le son, ou c'est peut-être plus l'engouement, c'est plate, parce que des fois, on a tendance à juger plus la réaction par rapport à une pièce que la pièce en tant que telle. Je trouve ça plate, mais ça m'arrive quand même de le faire. Et donc, pour ça, j'avais vraiment pas très... j'avais pas beaucoup accroché sur le groupe MGMT, même si plein de gens autour de moi, plein de gens qui aiment beaucoup de groupes que j'aime, me parlaient d'MGMT, me disaient qu'ils aimaient ça, mais ça me laissait quand même un peu froid. Et les nouvelles pièces du nouvel album sont en écoute au complet, soit si vous allez sur le www.whoismgmt.com ou tout simplement sur leur MySpace, myspace.com/mgmt. Vous pouvez entendre toutes les pièces du nouvel album. Et c'est drôle, sur leur site, les gars du groupe disent que si c'était juste de eux, ils les auraient carrément donné. Ils auraient donné l'album au complet en téléchargement. Mais je sais pas, j'imagine que c'est la compagnie de disques qui n'était pas tout à fait d'accord. Bref, c'est en écoute seulement, mais... C'est en écoute seulement, point. Rien d'autre à rajouter. J'ai écouté l'album quelques fois, puis je suis obligé de dire que j'ai pas mal aimé ça, cet album-là de MGMT. C'est sûr qu'en même temps, c'est peut-être pas un album que j'achèterais et que j'écouterais pendant très longtemps, parce que c'est quand même un son qui est assez facile à absorber. C'est un son dont je pense que je me tannerais peut-être assez rapidement, mais c'est tellement facile à écouter. C'est joyeux. À la première écoute, on a tout de suite le goût d'aimer les pièces de cet album-là, de MGMT. L'album s'appelle Congratulations, en passant. Et on va en écouter un extrait tout de suite, la pièce It's Working de MGMT à Assemblage Requis. So I can see your faces, the eyes are bright. C'était It's Worth Working de MGMT. Donc, comme vous voyez, c'est très, très facile à aimer. Ça se laisse aimer, ça, tellement facilement. Alors, on est quand même pas si loin de Time to Pretend. Là. J'analysais un peu la pièce en écoutant, puis pourtant, ça reste, même si c'est ailleurs un peu, on n'est pas loin de Time to Pretend et de ce son-là, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même très bon. MGMT, l'album Congratulations. Donc voilà, si vous voulez l'écouter, comme je le disais tantôt, myspace.com/MGMT ou whoismgmt.com. Troisième groupe dont je vais vous parler, troisième album qui sort aujourd'hui, c'est un album c'est un style de musique en fait que j'aime pas tellement à la base. Le groupe ou l'artiste s'appelle The Tallest Man on Earth. C'est un artiste suédois, mais qui fait vraiment dans une musique très très typiquement américaine. C'est un folk acoustique, des fois un peu blues, même je dirais, c'est très ça vient vraiment chercher les racines américaines de la musique folk américaine. Je préfère une comparaison assez évidente avec Bob Dylan même. Moi c'est vraiment pas à la base un style que j'aime beaucoup, et j'ai écouté plusieurs pièces de The Tallest Man on Earth, et je peux vous dire que mon opinion a pas changé par rapport à ce style de musique là. C'est pas un style que j'aime, c'est pas un album, cet album là de The Tallest Man on Earth que j'aime vraiment et que je vais me procurer. L'album s'appelle The Wild Hunt. Et la raison pour laquelle je vous en parle, ben, c'est que y a quand même beaucoup d'engouement pour l'artiste de Tallest Man on Earth, entre autres pour son dernier album qui date de 2008, qui s'appelait Shallow Graves. Pitchfork avait donné une note de 8.3 sur 10, ce qui est quand même très élevé. Et il fait vraiment une tournée mondiale là, présentement, des dates un peu partout. Récemment, il y a eu beaucoup de dates en Europe. Là, présentement, il s'en vient du côté nord-américain. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de dates. C'est assez incroyable le succès de cet artiste-là. Donc, c'est ça. Je conseille qu'il y a quand même beaucoup de fans de musique acoustique, folk, root, américaine. Mais je n'en fais pas partie. Je veux quand même vous donner un petit extrait, un petit aperçu de ce que ça sonne comme. Avec la pièce King of Spain. Donc c'est un extrait du nouvel album qui s'appelle The Wild Hunt. Donc on écoute un extrait tout de suite de King of Spain. Donc ça va seulement être un petit bout de cette pièce-là. Donc on écoute ça tout de suite. Still I am not from Barcelona. No, I am not even from Madrid. I am a native of the North. And I could mess up any gear. Well, if you reinvent my name, well, if you redirect my name, I wanna be the king of Spain. And I will settle in Pamplona. Il y a quand même certains contextes dans lesquels ça peut être appréciable, ce genre de musique-là. Si vous faites peut-être un road trip à travers les États-Unis, je pense. Non, pour vrai, c'est quand même un style de musique que je trouve qui se prête bien à un road trip, mais je pense pas que j'achèterais cet album-là, juste pour l'écouter simplement. Mais quand même, je vous en parle quand même parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ce type de musique. Moi, je veux plutôt, comme pour finir la chronique, il reste quelques minutes avant la fin de l'heure, je veux juste vous faire passer une pièce comme ça d'un groupe qui sort pas d'album prochainement, mais quand même qui sont en tournée avec The Tallest Man on Earth. Ils font la tournée, ils font à peu près toutes les dates, là, presque toutes les dates nord-américaines avec The Tallest Man on Earth. C'est le groupe Nurses qui vient de Portland, en Oregon. C'est un groupe que j'aime bien, que j'ai fait jouer déjà à quelques reprises dans d'autres émissions. Donc, on va écouter un extrait tout de suite d'une pièce de Nurses. Ils vont être en passant à Montréal, c'est le 16 avril, c'est vendredi, là, c'est très très bientôt, vendredi prochain, c'est au Petit Campus à Montréal, Nurses et The Tallest Man on Earth. Et nous, on va écouter, pour finir l'heure, la pièce Technicolor de Nurses à Assemblage Requis. It doesn't make much sense. Doesn't get you right. Doesn't get you right. Doesn't make much sense. Doesn't make much sense to be cool. Working on the only road I know. C'est fou 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes assez fou. Bon retour et bienvenue dans la deuxième heure de l'émission Assemblage Requis, émission qui pour l'instant est en manque de Mathieu Plante, mais on espère toujours avoir sa visite avant la fin de l'émission. Mais quand même, on continue, il reste encore une heure à l'émission et Émilie Gauthier va quand même se joindre à nous dans environ une demi-heure, une vingtaine de minutes je dirais pour sa chronique plein air. On va parler de tente aujourd'hui. Pour l'instant, je vais vous parler un peu de sortie pour ce soir. Vous avez peut-être entendu, la semaine dernière, on a fait jouer ici la dernière capsule extrait d'un film, en fait, des Incorrigibles. On a quand même l'habitude ici à l'émission de passer pas mal tout ce qui est de nouveau des Incorrigibles. Bien, ce soir, ils vont être à Kino 3R, ici à la Galerie Lapart, parce que c'est à tous les deuxièmes mardis du mois donc que les soirées Kino se tiennent. Et ce soir, ils vont aller présenter leur film. Donc, je sais que vous pourriez simplement l'écouter sur les tubes ou un peu partout ailleurs sur les internets, mais vous pouvez aller voir ce soir sur un écran géant avec les gars des Incorrigibles qui vont être là. Et en plus, il va y avoir plein d'autres films et plein de gens avec qui vous allez pouvoir partager plein de choses. Donc, c'est à la Galerie d'Art Lapart ce soir aux alentours de 19h, Kino 3R. Et parlant de trucs qui se passent prochainement à l'appart, bien les Feux de forêt dans les airs, la 6e édition, c'est vendredi le 16 avril qui s'en vient avec entre autres Waving Hand et on les écoute tout de suite avec la pièce qui est dans le palmarès francophone, c'est Bonne nuit mon cœur à Assemblage Requis. As you say, bonne nuit mon cœur. I can touch your whispering. Metagruo avec la pièce Nénuphar, c'est un extrait de leur prochain album qui va être lancé le 23 avril prochain à l'Escogriffe à Montréal. Trois nouvelles pièces que vous pouvez écouter tout de suite sur leur MySpace. Metagruo, un groupe que j'aime beaucoup. Et tandis qu'on est dans ce son à la finition un peu rustre, rude, ouais, ben on va continuer avec ce son, avec le groupe Jésus les filles et la pièce Mercredi tout de suite à Assemblage Requis. Oromocto Diamond avec la pièce Tides of Time. Ah, tiens, oui, oui. Donc, c'était Oromocto Diamond avec la pièce Tides of Time. Oromocto Diamond qui ont entrepris de lancer une série de 5 disques qui racontent une seule et même histoire. Le prochain à paraître va être lancé le 24 avril prochain. La semaine prochaine, il s'appelle Le Choc d'Oromocto. Donc, c'est vraiment 5 titres, 5 albums. Je sais que les deux derniers sont des vinyles, des 45 tours. Je ne sais pas pour le reste si c'est des albums complets, des EP, des simples. Ça reste assez mystérieux. Mais bref, le 24 avril le prochain à Montréal, ils vont lancer le Choc d'Oromocto. On va continuer en musique tout de suite. Dans quelques minutes, on va être avec Émilie Gauthier pour sa chronique Veux-tu sortir avec moi, sa chronique plein air. Et j'espère peut-être que ça va attirer Mathieu Plante, peut-être qu'il va revenir parmi nous. Qui sait? Pour l'instant, on va aller écouter un extrait du palmarès anglophone, le groupe Hot Chip avec la pièce Hallicat, tout de suite à Assemblage Requis. Restless, needs attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms. Do you dig Jones? The Jones. Heads like ants, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps when we lie alone. Wear each other's heads like hats, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps and we die alone. There's a pain.

Ma romance avec Out of Luck. C'est toujours à Assemblage Requis, en plein milieu de la chronique Veux-tu sortir avec moi d'Émilie Gauthier, et on parle de tente. De tente l'abri. Encore une fois, on le rappelle, si vous voulez écouter tout le reste de la chronique en pensant que tente est une autre chose qu'un abri, c'est comme vous voulez. C'est peut-être ça qui fait qu'on rit des fois. Peut-être. Ou peut-être pas aussi. Peut-être qu'on trouve ça drôle, le camping aussi. Peut-être, c'est très hilarant, je trouve, moi. T'en fais souvent du camping? Jamais. D'accord. Tu manques quelque chose? Je n'aime pas rire. Non, je pense pas. OK, donc on reprend le sérieux. Oui, on était rendu où, là? Est-ce qu'on était rendu au moment où on essaye les tentes? Oui, on essaye les tentes. Oui, c'est plus quand on tend ma gueule. Ah oh, non, je peux pas dire ça. Ah, Colin, hein? Il y a un mot qui va te refaire rire, c'est sûr. Okay. Pour bien choisir sa tente, il faut aussi pénétrer à l'intérieur. Tu fais exprès. J'ai pas fait exprès. T'as même pas jamais utilisé le mot pénétrer dans ta vie. Puis là, tu l'écris dans ce texte-là. Comment? Ouais, je sais pas. Il faut s'étendre sur le plancher. OK. S'étendre sur le plancher puis évaluer l'espace qui reste après que tous les campeurs aient pris place. OK. En langage de tous les jours, quand on achète une tente, il faut vraiment demander à l'ouvrir, à pouvoir essayer, calculer l'espace qui reste, savoir, oui, c'est une 3 places qu'il nous faut, mais en ayant 3 places, est-ce qu'on a la place pour mettre notre sac à dos? C'est. Donc, c'est pas l'idéal si on l'achète dans une grande surface, là, dans un magasin de pneus là, ou autre chose. Tente Mart. Non, mais pour vrai, un coup, quand on va magasiner, quelque chose comme ça, on commence par demander conseil. Tu sais, oui, on sait qu'on veut à peu près une 3 places. Bon, OK, est-ce qu'on veut un double toit? Faut vraiment poser les questions. Alors, allez voir les personnes qui les vendent, si on veut. Donc, ce qu'on pourrait faire, mettons, c'est aller dans un magasin spécialisé, essayer des tentes, ne pas en acheter et aller en acheter une ailleurs dans un magasin de grande surface. Encore. Ben ça dépend. Si c'est pour faire plus randonnée, va pas chercher chez Canadian Tire. Non, t'auras c'est pas, ça. Tu sais, c'est plus des tentes récréatives rendues là. Mais si on veut chercher quelque chose de plus spécifique, on trouve les points qu'on veut. Puis là, à partir de là, sûrement que le vendeur va réussir à en trouver, à vous en sortir 2-3 qui vont convenir. Puis là, selon le budget, ben on regarde laquelle nous intéresse le plus. Puis rendu là, on peut demander, on l'ouvre, puis on l'inspecte comme il faut pour voir si ça convient. C'est sûr, demandez pas d'en ouvrir 5-6, ça sera peut-être pas drôle, là, mais... ça va couler partout. Ça, c'est l'employé de magasin de plein air qui parle. Là, oui, exactement, mais en ouvrir 2-3, il n'y a pas de problème. Il faut juste être... Au prix qu'une bonne tente coûte, il faut juste être vraiment sûr de ce qu'on veut, là, rendu là. Ça doit pouvoir se monter rapidement et aisément. Quickie, comme on dit. Idéalement, en magasin, oui, le vendeur est là, mais c'est mieux d'essayer de le faire soi-même, de tout faire l'assemblage soi-même. Puis aussi pour savoir combien de temps ça prend, est-ce que ça va mieux à deux ou tout seul. Quel est le meilleur moment de la journée pour l'essayer? Oui, c'est ça. Faut aussi tester la solidité de la structure. Dans le fond, on fait juste t'as shake un peu. Ouais, t'as shake. Tu pousses puis un peu. Il va rough, là. Tu pousses pas ses parois là, pour la masse. Déchirer, là. Oui, oui. Mais... Une fois, puis après ça, comme on l'a dit, c'est quand même après. C'est ça, c'est ça. Comment? Hein? Tu donnes des claques. Oui. Voilà. OK, sérieux. On revient au sérieux. C'est ça. Ben, je pense que... On va passer au prochain sujet. D'accord. Pour l'utiliser, c'est préférable de transporter les piquets séparément pour pas risquer de faire de perforer la toile ou quoi que ce soit. Courez pas avec vos piquets aussi. Aussi, conseil de Mathieu, c'est pas conseil de maman, c'est conseil de Mathieu. Ben, parce que tu t'en fâches puis c'est vite fait là. Ouais, tu tombes dessus puis tu as crevé le cœur. Ça peut casser les affaires. Sur bord de la piscine surtout là. Courez pas sur bord de la piscine avec vos piquets de tente. Pas de piquet, non. Non, c'est ça. Autant que possible, si on l'a dit, mais on essaie de monter la tente à l'abri du soleil pour justement éviter que les rayons ultraviolets abîment le toit que le soleil, là, en gros. Un petit peu de crème, là, puis... Oui. Ouais, sûrement des produits, là, pour la protéger du soleil. Mettons que tu vas camper dans le désert, puis il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas rien. Ben, encore une fois, je pense qu'on va plus chercher quelque chose encore plus spécifique que celle qu'on a vue. Okay. Moi, j'ai jamais eu à faire, mais je sais qu'il y en a plus spécifiques pour des températures très chaudes, des températures très froides, là. Okay. Faut aller chercher plus qu'est-ce qu'on a de besoin. On évalue nos besoins. Phrase de la session et de l'année. Puis aussi à l'abri, c'est à l'abri du soleil, mais aussi à l'abri du vent pour éviter que des grosses bourrasques de vent risquent de déchirer ou quoi que ce soit. Pour aussi éviter que le plancher déchire, faut essayer de trouver un terrain qui est assez droit, qui n'est pas trop plein de petites roches. Je sais pas quelles allusions vous êtes en train de faire dans vos têtes. Je veux même pas le savoir. Il y a aussi... c'est sûr qu'en randonnée, c'est moins évident, mais utiliser un sous-tente qui est genre une sorte de bâche, un peu une toile de nylon. Ouais, c'est du dégât, ça. Mais ça bloque aussi l'humidité provenant du sol. Puis il y a beaucoup de compagnies qui offrent les sous-planchers des mêmes dimensions que la tente. Là, donc, à l'achat de la tente, on peut s'informer pour... Et c'est important qu'il soit assorti aussi, là. Tu sais, si tu veux même bien couleur. Paraître. Ouais, même c'est couleur. Ça. Ouais. Non, pour vrai, d'habitude, c'est la même couleur que le fond, souvent gris ou noir, là. C'est juste pour. Ça coupe un peu l'humidité, puis ça l'empêche justement de déchirer ou de faire des bobos à la tente. Ah, pour toi, Kiwan, il faut que le tapis matche avec les rideaux, hein, c'est ça? Ben oui, c'est ça, c'est important. Il faut que ça matche avec mon foulard aussi, puis mes bas. Puis tes boxers. Exact. Très important. Puis pour l'entretien, on vérifie régulièrement l'état des zips, puis aussi vérifier aussi si les enduits de paraffine, dans le fond, où est-ce qu'il y a des coutures, faut vérifier si souvent il y a comme un genre d'enduit pour accentuer l'imperméabilité. Puis à ce moment-là, s'il y en manque, on peut acheter des produits en magasin pour bloquer les trous qui auraient pu être qui aurait pu perdre de l'imperméabilité. Hey, vous me faites perdre mes mots aujourd'hui, ça n'a juste pas de bon sens. Je fais rien, moi, encore. Là. J'ai rien dit. Non, vos yeux disent tout. Ah oui. Y a le plancher, le double toit, qui, où est-ce que les coutures doivent être réimperméabilisées, c'est ça, avec du polyuréthane ou du silicone, ça s'achète en magasin. Puis avant de ranger son abri à long terme, il faut la nettoyer comme il faut. Dans le fond, on passe un petit coup de baleine dedans. Puis si on a eu affaire à des intempéries, qu'il y a eu du sable ou quoi que ce soit, on fait juste la rincer avec un linge humide. Ben oui, dans la douche. Ben, tu sais, même moi, ce que je suggère, je suis sûr que tu vas être d'accord, c'est à chaque fois, dans le fond, que tu reviens avec ta tente, parce que même juste la rosée au sol, ça laisse toujours un peu d'humidité. Donc, quand tu reviens chez vous, tu la rouvres, tu l'étends bien comme il faut dans un endroit aéré et tu la fais sécher. Oui, exactement. Conseil, Mathieu. Merci. Puis après ça, on la range dans un endroit sec. On essaie de le mettre à l'ombre, à l'abri de la poussière. Donc, c'est sûr que si on a comme un petit garde-robe, ça peut être pratique. Mm-hmm. Mais sinon, si vous avez la place, l'étaler pour vraiment la faire sécher à l'intérieur une dernière fois avant de la remballer, c'est une bonne idée. Ouais. Mais parlant de garde-robe, selon on a bien couvert, je trouve, la partie une bonne partie de notre public particulièrement masculin, je trouve. Mais l'autre côté, puis le côté bicurieux, là, tu fais quoi avec ça? Parce qu'on a parlé de tante, mais les oncles, c'est ça? Ben, on vous ferait jouer une toune de mon oncle Serge plus tard. OK. C'est correct, ça? Merci de nous avoir enseigné sur les tantes. Ça fait plaisir, là. Pas sûr? Je sais pas. Est-ce que tu vas revenir la semaine prochaine? Oui, mais je parlerai pas de tante. Okay. La semaine prochaine, je vais parler de kayak. Kayak. Pour la dernière semaine, hein, la semaine prochaine, oui. Dernière chronique. Oui. Plein air. Mm-hmm. Oui. Pour l'instant. Oui. Oui. Oui, pour la session d'hiver. D'hiver. Mm-hmm. Session d'hiver qui dure très, très longtemps jusqu'à bien après l'hiver. Mm-hmm. Ouais. Oh. Ben, merci, Émilie. Ben, ça fait plaisir, là. Ouais. Ouais, plaisir, ça fait plaisir. Oui, oui. Donc, nous, à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées, on continue. Ben oui, on va retourner en musique. On va revenir pour se dire salut. Salut nos tantes respectives. Mm-hmm, mm-hmm. Elles le méritent bien. Il y a un appel justement sur la main, c'est peut-être une tante. Peut-être. On écoute OK Go avec WTF. Tout de suite, t'as Assemblage Requis. C'est ce que bien des gens se disent en écoutant l'émission aujourd'hui, je pense. Hein? Vraiment. Ceux qui n'ont pas écouté le début, là, oh, bon, vous en. Enfin, félicitations à vous. OK, go. La pièce WTF, point d'interrogation. Mm-hmm. C'est ce qui m'a fait à l'émission aujourd'hui. Oui, on se retrouve demain à 15h ici à Assemblage Requis. On va être mercredi, donc ça veut dire Simon Fitzbé, sa chronique Paul is dead. C'est pas mal ça. Oui. Restez sur nos ondes parce qu'après l'émission, à 17h, c'est la reprise de Chérie m'écoute dessus avec Sophie Laforêt. À 19h, il y a Rock Révélé avec la culture rock et à 21h, c'est Réanimation avec du métal et de l'horreur. Parfait, donc bonne soirée à toi, Mathieu. On se retrouve demain à 15h. Oui, avec grand plaisir et bonne humeur. Parfait, donc à demain. Bonne soirée aux requins et autres Francis Martin. Et les déboltés, les... Tout le monde. Tout. Sans aucune discrimination. Non, nous autres, on aime tous les gens égales, les tantes, les oncles, mais un petit peu moins d'ailleurs. Mm-hmm. On est plus aux tantes. Bye. On se laisse avec une pièce de Beach House, Norway. Bye. On a dit bye comme 6 fois, mais bon. Peux-tu dire une autre fois? J'aurais besoin d'une autre fois, non? Bye! Bye, Emily! Elle était pas là, bye. Ah, t'as un petit peu? Bye, Emily. Bye. Bye. Bye! Bye! Bye! Bye-bye, là! Non, je vais pas faire bye-bye, là. C'est la marque de commerce d'un espèce d'art, en tout cas. Bye. Ah oui? Bye. Bye-bye, hein. C'est ceux qui rient tout le temps, même! Il m'énerve. Aucune idée de quoi tu parles, mais t'as dit bye-bye suffisamment longtemps pour écouler le temps du thème. Merci beaucoup, Mathieu. Bye.